Chapitre 48e, l'affreux châtiment. Madame Garitza, qui pendant quelques secondes pouvait se croire sauvée, à ce moment se sentit absolument perdue. Elle ne trouva pas un mot, elle ne trouva rien pour sa défense. Sa pensée l'abandonna. Son instinct de lutte, de combativité fut anéanti par la terreur que lui inspirait cet homme, par l'effroi du châtiment dont il l'avait menacée. Elle ne put que se cacher la figure dans ses mains et redire « Pardon, pardon !» Elle-même se condamnait par cette marque de faiblesse, par cet aveu. Elle attendait ainsi, accablée, l'explosion de la colère du maître. Mais loin de manifester sa rage, son ressentiment, sa haine par un de ces éclats de fureur, de violence, auxquels la malheureuse s'attendait, Zygomar, d'une voix calme et posée, presque gaie, lui dit « Ah, cher ami, votre grand amour pour le colonel vous a fait commettre une grosse faute. Vous avez oublié les désirs du maître pour écouter votre cœur. Et pour me désobéir, vous vous êtes allié à mon ennemi, Paulin Broquet. C'était, si je puis dire, aller derrière un rempart d'argile chercher un abri contre ma main de fer. » Plus doucement encore, il ajouta, « Mais l'amour fait excuser bien des folies. C'est en somme une erreur passionnelle que vous venez de commettre. Or, les crimes passionnels trouvent toujours des circonstances atténuantes devant les juges, devant les plus sévères tribunaux. Je ne puis me montrer, moi, plus intransigeant que les serviteurs du code, que les dispensateurs de la justice des hommes. Votre faute est grande, très grande, mais, cher ami, je vous accorde des circonstances atténuantes. Et je ne vous punirai pas moi-même. » Madame Garitza, à ces mots, ouvrit ses mains, dégagea sa figure. Elle regarda avec étonnement, stupéfaction, le maître qui lui faisait entendre des paroles si inattendues, si inespérées. Elle semblait vraiment n'en pas croire ses oreilles. Zygomar reprit. « Cependant, vous savez que nos règlements sont inflexibles, aussi bien chez nous, les aides, que chez votre ami Paulin Broquet. Permettez-moi de vous le rappeler. » Paulin Broquet s'est cru trahi par un de ses hommes. Il n'a pas hésité à lui infliger un châtiment atroce, épouvantable. Il l'a brûlé vif, avec un ballon d'éther enflammé. « Oh mon Dieu !» fit Madame Garitza, frémissant d'horreur. « Oui, Paulin Broquet n'y va pas de main morte depuis quelque temps avec ceux qui me servent. Pourra-t-il trouver mauvais que j'en fasse autant avec ses auxiliaires ?» Madame Garitza balbutia. « Pitié, pitié !» Zygomar se mit à rire. « Avant d'implorer ma pitié, au moins, cher ami, voyez si je veux vous faire du mal. Je vous ai menacé d'un châtiment terrible, vous l'avez mérité. Nous sommes tous deux d'accord sur ce point. Mais je viens de vous accorder des circonstances atténuantes. À cause de votre grand amour, je viens de vous dire que je ne vous punirai pas moi-même. Voilà donc de quoi vous rassurer. Pourquoi tremblez-vous? Pourquoi pleurez-vous? Je vous dis que je ne vous frapperai pas. Voyons, redressez-vous, regardez-moi. » Madame Garitza regarda en effet Zygomar, mais avec les yeux du condamné qui cherche quand même la guillotine qu'on veut lui cacher. Elle ne croyait pas aux circonstances atténuantes que le maître implacable prétendait lui allouer. Elle ne croyait pas à sa pitié, elle ne croyait pas à ses paroles. Elle en devinait l'ironie. Elle pressentait au contraire un raffinement de cruauté sous ce ton de voix conciliant. Cependant, comme pour l'encourager, le maître fit un pas vers elle, étendant les mains. Madame Garitza poussa un cri de terreur. Dans la main du maître, il lui sembla voir briller une arme, un poignard, un couteau acéré. Elle allongea le bras pour se garantir, éloignée d'elle cette main redoutable. Elle la repoussa d'un coup violent. Mais aussitôt, elle poussa un grand cri de douleur. Dans le mouvement qu'elle fit pour écarter le maître, son bras rencontra la main de Zygomar. La main dans laquelle il lui semblait avoir vu briller une arme. Madame Garitza poussa donc un grand cri de douleur soudaine, inattendu, d'autant plus cruel. Puis elle voulut retirer son bras blessé, mais le maître s'empara de ce bras. « Qu'avez-vous, cher ami ? » fit-il en souriant. « Pourquoi ce cri ? On croirait vraiment qu'on vous assassine, que l'on vous coupe en morceaux. » Madame Garitza se débattait, cherchait à s'arracher des mains du maître. « Laissez-moi, disait-elle, laissez mon bras. » Mais le maître la retenait toujours, et au contraire, semblait appuyer plus fortement sur la blessure. « Vous m'avez blessé, dit la jeune femme. « Moi ? Mais pas le moins du monde, cher ami. Si, vous m'avez fait une blessure. Pas moi, je vous l'assure, pas moi. « Si, si, une piqûre là au bras, là où vous tenez la main. Je souffre, je le sens bien, ça me brûle, vous m'avez blessé. » Le maître tenait toujours le bras meurtri dans sa main, comme dans un étau dont Madame Garitza ne pourrait jamais s'évader. Il souriait encore. « Je vous assure, ma chère amie, dit-il enfin, que je ne vous ai fait, moi, aucune piqûre, aucune blessure. Cependant, mon bras endolori. « C'est vous-même, c'est vous qui venez de vous blesser. Moi, comment ai-je pu moi-même me blesser ainsi? Vous avez voulu, je ne sais trop pourquoi, par exemple, me repousser, m'écarter. Dans un mouvement irréfléchi, brusque, vous avez étendu votre bras. Votre bras, votre joli bras, que cette toilette de soirée met si gracieusement en valeur. Votre bras charmant a rencontré ma main. Dans votre main, il y avait un poignard. Le maître se récria. Oh, un poignard dans ma main, quand je suis avec vous, quand je parle à une jolie femme, un poignard, non, cher ami, non. Il ajouta. Il y avait tout simplement ceci. Et il montra à Madame Garitza, doublement anxieuse et effrayée, ce que contenait sa main. Une seringue de Prava, fit la jeune femme, pas plus. Il reprit. Je la tenais comme ça. C'est vous, entendez-vous, vous-même, qui êtes venu vous piquer. C'est vous qui vous êtes enfoncé l'aiguille dans le bras. Moi, je vous avais promis de ne pas vous punir, de ne pas vous châtier. Puisque je vous accordais les circonstances atténuantes dont bénéficie tout crime passionnel, je vous avais donné ma parole que je ne vous frapperai pas moi-même. C'est donc vous, vous seul, qui venez de vous exécuter. Madame Garitz avait compris. Ah ! S'écria-t-elle, quel poison m'avez-vous fait prendre ? Quelle mort me réservez-vous ? Le maître, avant de répondre, regarda le bras de la blessée. Bon, durant ces quelques minutes de vaines paroles, l'absorption a été complète. Maintenant, vos veines, vos artères ont tout absorbé. C'est fait, le poison va agir, et aucune puissance au monde ne pourra arrêter ses effets. Il détacha sa main du bras de Madame Garitza, démasqua la place où la blessure se trouvait. « Voyez, dit-il, sur la piqûre d'épingle de la pointe de Prava, il n'y a même pas une gouttelette de votre sang rose. Tout est absorbé, c'est parfait. » Et éclatant de rire, il conclut. « Ah, ma chère amie, vous ne vous êtes pas manqué. » Madame Garitza, atterrée, regardait maintenant son bras. Son bras marqué d'une légère plaque d'un rouge sombre qui tournait au violet et dont les bords s'auréolaient déjà en une frange bleutée. « Rien ne presse, » reprit Zigomar. « Vous avez largement le temps d'aller avec votre cher colonel faire le petit voyage d'agrément que vous prépariez. Je suis bon prince. Vous avez devant vous une bonne semaine de baisers, d'amour. C'est gentil, une semaine d'amour. Rares sont les amours qui durent plus d'une semaine, sincères et égaux à eux-mêmes. Une semaine, mais c'est une éternité en amour, croyez-moi. Être sûr d'avoir une semaine d'amour devant soi, c'est le plus grand bonheur qu'on puisse goûter sur terre. Une semaine d'amour. » Madame Garitza, pendant que Zigomar parlait, avait cessé de regarder son bras. Des larmes coulèrent de ses yeux quand les mots d'amour chantèrent à ses oreilles. Mais de son mouchoir, elle essuya promptement ses yeux, elle épongea de quelques coups rapides son front moite, puis, se redressant, elle tourna la tête vers le maître. C'était une toute autre femme qui apparaissait. « C'est bien, » dit-elle d'une voix qu'elle cherchait à affermir, « c'est bien. Vous m'avez condamné, vous m'avez exécuté. Pas moi. Vous vous êtes exécuté. Oh, ne jouons pas sur les mots. Je suis dès maintenant une femme qui va mourir. Ne raillez pas une mourante. Ne jouez pas avec un cadavre. Je m'incline respectueusement devant vous. » Madame Garitza demanda nettement. « Quel poison ? » ?»« Pas un poison. Quoi donc alors ? Un produit scientifique. La science des microbes est très à la mode. Vous êtes une femme charmante, mondaine. Tout ce qui est à la mode vous sied à ravir. » C'est un bouillon de culture porté au suprême degré, admirable, infaillible. Quel poison infernal ? Redemanda Madame Garitza. Allons, maître, pas tant de mots, dites-moi la vérité. Zigomar regardait avec étonnement la jeune femme qui lui semblait si grandement différente de la douce et dolente Madame Garitza, toute de tendresse, de faiblesse, de soumission, de résignation. Lentement, il répondit : Je vous ai promis un châtiment dont le nom seul vous ferait pousser un cri d'horreur, d'épouvante. Oui, le nom de ce châtiment. Attendez, vous êtes jeune, vous êtes jolie, vous êtes blonde, exquise. Votre peau est comme un satin. Votre corps est une merveille de forme. Vous êtes adorable, on vous adore. Tous ceux qui ont le bonheur de vous aimer ont gardé de vous un souvenir enchanteur et que nulle autre femme n'a pu effacer. Quel poison ? Redemanda Madame Garitza. Eh bien, vos cheveux vont tomber. Votre peau va se marbrer, s'écailler, vos membres vont se déformer, et partout vont, de votre corps, surgir des boutons en grappe, qui gonfleront comme des raisins au soleil, se fendront, laisseront couler un puits verdâtre. Vos doigts, artistes, musiciens, caresseurs, tomberont un à un, et vos pieds se détacheront par morceaux. Vos mains partiront, votre corps entier s'en ira en lambeaux. Il ne vous restera dans cette ruine que vos yeux, si bleus, pour voir la chose épouvantable et sans nom que la belle madame Garitza sera devenue. « Le nom de ce mal ?» demanda la jeune femme. « Le voici. C'est un mal dont j'ai rapporté la semence infaillible, précieusement, des îles de Malaisie, où il règne en souverain invincible, contre lequel toute la science bactériologique de toutes les nations du monde ne peut rien encore. Le nom de ce mal, c'est la peste lépreuse. »